Ben, va voir qui c'est. Ben, ces jours, faudra qu'on fasse des pâtes au petit pois. Il y a longtemps qu'on n'en a pas mangé. Oh, on va se faire pendre, imbécile, si c'est pas malheureux. On n'a pas idée de vous faire des trucs pareils. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Pipo, dès que j'ai ouvert la porte, il s'est jeté sur moi pour m'embrasser de force. Oh, la belle affaire. Alors, fiche-moi la paix. Pour la dernière fois, je te préviens devant Madame Conchetta. Si tu me touches, garde, je me défends. Et je te fais sauter ton râtelier. Nous n'avons que des embêtements, Pipo, depuis que vous êtes chez nous. Ouais, et ben si c'était le fils du coiffeur Bobin qui t'avait embrassé. Tardi, quand il y a du plaisir, ça gêne personne. Mais ne crois pas qu'il t'aime, le petit coiffeur, hein. Il a dit que tu avais les jambes tordues. Les jambes tordues, vraiment. Et ben si tu savais. Et ben justement, je veux savoir. Allez, montre-les-moi. Bien sûr, et puis quoi encore? Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est si mon mari va se décider enfin à vous mettre à la porte. Oh, Madame Conchetta, vous possédez une fortune dans cette maison et vous ne savez pas l'apprécier. Un jour, vous et Monsieur Ferdinand, vous serez millionnaire, et grâce à moi. Vraiment? Parfaitement, si vous vous décidiez à m'écouter. Assez! Vous pouvez entortiller mon mari, mais moi, si ne tenait qu'à moi, vous ne mettriez plus les pieds dans cette maison. Oh, Madame Conchetta, il faut bien que je mange, moi aussi. Chacun s'occupe comme il peut. Après tout, je ne fais rien de mal. Oh, vous tournez en bourrique, ce pauvre Ferdinand. Mais pas du tout! C'est votre mari qui ne veut jamais faire ce que je lui dis. La semaine dernière, pourquoi avez-vous perdu votre série de deux? Parce que vous avez fait ce qu'il a voulu. Je lui désigne un numéro, il le note et il en joue un autre. Elles sont tordues, nettement tordues. Oh. Où est M. Ferdinand? À la cuisine. Bon, alors permettez, je lui ai apporté les billets que j'ai pris. Des numéros sûrs. Madame Conchetta, cette nuit, j'ai eu des visions. Oh, mais regardez-moi ça, tout cet argent jeté par les fenêtres, c'est de la folie. Jeté par les fenêtres? Vous voulez rire, Madame Conchetta? Ceci est le résultat de mes visions nocturnes. Oh. Monsieur Ferdinand et moi, nous sommes restés jusqu'à 4 heures ce matin, assis sur les toits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi faire? Pour savoir si on les mettra dans un asile d'aliénés tous les deux. Cette nuit, le ciel était nuageux et quand les nuages commencent à s'enchevêtrer, ils se forment des espèces de tableaux vivants. Silhouettes, têtes, animaux, arbres, nuages. Et quand on connaît la signification de la composition et de la combinaison fumigène, on arrive à découvrir parfaitement la volonté des vivants et des morts. Il suffit de concrétiser cette volonté et l'on y trouve facilement les numéros pour les séries de 3 et les séries de 4. Cette nuit, par exemple, devinez qui nous est apparu à côté d'une ânesse ventrue. Feu, le père de Monsieur Ferdinand, votre beau-père. Et l'ânesse ventrue, vous savez qui c'était? C'était vous, Madame Conchetta. Moi? Mais oui, vous, vous. Parce qu'au bout d'un certain temps, ce nuage s'est transformé et a pris votre apparence. Dès que Monsieur Saverio, feu, votre beau-père, vous a vu, il s'est mis à courir, enfin, comme un nuage peut courir. Et il courait avec les bras étendus en appelant « Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand !» Allons bon, le nuage parlait. Toi, tais-toi, tu as les jambes tordues. C'était la voix d'un passant dans la rue, Ferdinand, Ferdinand. Donc, la ressemblance avec Don Saverio était parfaite. Il courait. Ben oui, pourquoi est-ce qu'il courait? Mais pourquoi est-ce qu'il courait? Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien. Voilà. Mais cette voix qui criait « Ferdinand, Ferdinand !» C'était la voix de Don Saverio qui s'est servi d'un passant pour appeler son fils. Ah bah c'est juste. Je ne vois pas d'autre explication possible. Alors moi j'ai formé les numéros et nous verrons bien. Allez, momie, va ouvrir la porte. Vous avez entendu, Madame Conchetta, il m'a appelé momie. On ne fait pas attention, on va voir qui c'est. Elles sont tordues, je te dis. Allez, à tout à l'heure, Madame Conchetta. Je suis la fortune de cette maison. Et vous ne savez pas m'apprécier. Il y a là les fils du voisin, vous savez, le notaire. Les fils de Maître Frungillo? Oui. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Nous nous connaissons très peu, c'est à peine s'ils me saluent quand nous nous croisons dans l'escalier. Ils sont d'une prétention. Ils viennent parler à votre mari. Oh, bon, ben, fallait entrer. Ils ont une sale tête. Entrez, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bah, descends à la boutique, toi. Oh, pardon. Asseyez-vous. Non. De quoi s'agit-il? Nous voulons parler à Monsieur Ferdinand Coyolo, car il est le seul à pouvoir nous donner les explications que nous désirons sur une certaine affaire. Exactement. En ce moment, Ferdinand est occupé à la cuisine. Il met les bouchons en bouteilles de conserve de tomates pour l'hiver. Il veut le faire de ses propres mains parce qu'il dit que personne ne s'y prend aussi bien que lui. Adressez-vous à moi, ça revient au même. Madame Conchetta, notre chien est mort. Tu l'appelles un chien? C'était un membre de la famille. À table, nous mettions son couvert avant le nôtre. Nous l'avons trouvé sur la terrasse. Il avait le ventre enflé, comme ça. Et une bave verte sortait de sa bouche et de son nez. Non, ce qui sortait du nez était jaune. Jaune. Madame Conchetta, notre grand-père est plus mort que vif. C'est qu'il est très âgé. Il se peut que le chagrin le fasse mourir aussi. Écoutez, ça me fait beaucoup de peine. Mais je ne vois pas pourquoi vous venez nous raconter ça à nous. Madame Conchetta, notre chien a été tué par Monsieur Ferdinand, votre mari. Il a été empoisonné. Mais voyons, c'est impossible. C'est de la folie. Ferdinand aime tous les animaux. D'ailleurs, il ne ferait même pas de mal à une mouche. Il l'a dit clairement. Il ne savait pas que j'entendais tout. Ma chambre donne précisément sur la terrasse. Va-t'en. Va-t'en, chien de Guenon. Et moi, j'entendais. Il abîme les plantes. Si tes maîtres ne t'attachent pas, je vais te donner du poison et je te ferai crever. Et il a tenu parole. Je l'ai vu, Madame Conchetta, de mes propres yeux. Si ce n'est pas vrai que je devienne aveugle tout de suite. Je l'ai vu de la fenêtre de ma chambre à plusieurs reprises la nuit, lui et Pipo, l'homme de peine. Ils l'ont fait exprès. Ils étaient assis sur le toit, au-dessus du grenier. Avec préméditation. Quel cynisme. Du reste, j'ai un compte à régler avec Pipo. Il nous haïssait, car il y a quelques mois, nous l'avons mordu à la jambe. Il s'en souvient encore. Oh, mais non, s'ils vont sur les toits, c'est pour savoir quel numéro ils doivent jouer à la loterie. Mais vous savez bien les nuages, les présages, que sais-je. Tenez, j'entends mon mari, il vous le dira lui-même. Oh, Ferdinand, il y a deux messieurs pour toi qui veulent te voir, toi. Je n'y peux rien. S'il te plaît, deux messieurs pour toi, Ferdinand. Une minute, deux messieurs pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Naturellement, vous ne savez rien. Notre présence ici ne vous fait rien soupçonner, puisque vous êtes innocent. Et vous non plus, le factotum. Vous ne savez rien. Qui c'est ça, le factotum? Bon, je m'occupe, Ferdinand. Conchita, laisse ça. Tu sais très bien que je dois le faire moi-même. Oh, ça m'est égal, Ferdinand. Fais-le toi-même. La prochaine fois, pour mettre les bouteilles dans le buffet, on ira chercher un ingénieur diplômé. Il faut bien qu'elle fasse des manières, hein, surtout devant des étrangers. Mais qu'est-ce que vous disiez, là? Innocent, vous ne savez rien. Vous avez une drôle de façon de parler. Notre chien est mort. Votre chien est mort. Et vous riez. Ah non, ça, je comprends que ça vous fasse du chagrin, mais entre nous, vous devriez plutôt remercier le ciel. Vous voulez la débarrasser d'un souci et d'une sacrée puanteur. Le souci, c'est notre affaire. La puanteur, ça nous regarde. Ah non, pardon. La puanteur, ça me regarde moi aussi. Votre chien avait découvert un moyen pour arriver jusqu'à ma terrasse. Il y déposait ses besoins, petits et grands, et puis s'en allait. Et c'est pourquoi vous l'avez supprimé. Quoi? Quoi supprimer? Ah oui, ça, j'ai prié la madone de Pompéi qu'elle le fasse crever, ça d'accord. Et du moment que nous avons été exaucés, oui. Dès demain, je porterai à l'église le paquet de cierges que j'ai promis. Mais moi, je ne l'ai pas touché. Vous, non. Mais vous avez fait agir votre factotum. Ah, c'est toi le factotum? Vous voulez rire, messieurs, hein? Au début, quand je rencontrais votre chien, je m'arrêtais toujours. Il remuait la queue, moi aussi d'ailleurs. Ah, c'est intéressant. Non, je veux dire, j'étais content, moi aussi. Puis un jour, il m'a mordu en traître, le vaurien. Depuis, on ne s'est plus salué. Bien. Vous dites que vous ne savez rien. C'est la vérité, nous ne savons rien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire la nuit sur les toits? Ce sont des choses qui ne vous regardent pas. La nuit, nous allons sur les toits parce que comme nous allons sur les toits pour prendre un peu d'air. Je te l'avais bien dit que nous allions nous déranger inutilement. Écoutez. Vous m'avez toujours été antipathique. Quand vous êtes venu habiter près de chez nous, nous l'avons dit en famille, ce type ne nous plaît pas. Vraiment? Vraiment. Alors vous pensez bien qu'après la mort du pauvre Roméo, et avec les soupçons plus que justifiés que j'ai sur votre personne, alors là je peux dire que vous me répugnez. Justice! Vous aurez la même fin que celle de mon chien. Le ventre enflé, la bave jaune dans la bouche et vert au nez. Non, jaune pour le nez. Non, jaune pour le nez. Non, mais tu te rends compte, hein? On reste bien tranquillement chez soi et voilà ce qui arrive. Mais ne faites pas attention, c'est une famille de fous. Allez, donne-moi un coup de main. Ils sont partis. Non, oui, mais ces deux-là, je finirai encore par déménager, rien que pour ne pas les revoir. Monsieur Ferdinand, j'ai tous les numéros. Pipo, tu veux me réduire à la mendicité? Ce samedi, nous avons joué 200 numéros. Mais ce samedi, nous gagnerons. Oh, regardez-moi ça, est-ce que c'est une chose normale? Un patron de loterie qui joue tout son argent dans sa propre loterie? Moi, je fais ce qui me plaît, ce que je veux. La maison de loterie était à feu, mon père, et je n'ai de compte à rendre à personne. Tu ne fais que des bêtises et tu ne t'en aperçois pas. Pipo, tu vois cette femme? Mm-hmm. Elle a été mon malheur. Choisis ta femme dans ton pays. Mais moi, si c'était à refaire, je choisirais la mienne au fin fond de la Patagonie. Race inférieure, d'accord, race inférieure, pourvu qu'elle se taise. Celle-ci est effrayante. Oh, et pourquoi, s'il te plaît? Parce que tu es ennuyeuse, tu es exaspérante, et tu le fais exprès d'être exaspérante. Pipo, tu connais sa méthode. Dès qu'elle sent que je vais faire une bêtise... Oui, parce que ça lui arrive. Oui, ça m'arrive, et souvent même. Errare humanum est. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Errare humanum est, tu peux pas comprendre, c'est de l'italien. Ah, oui. Enfin, du latin, quoi, à peu près. Enfin, dès qu'elle sent que je vais faire une bêtise, ne crois pas qu'elle s'interrompe. Non, ce serait trop simple. Moi, je saurais reconnaître mon erreur et l'éviter. Mais non, elle n'arrête pas. Fais attention, tu vas faire une bêtise. Tu fais une bêtise. Tu fais encore une bêtise. Alors, évidemment, je m'énerve, je m'obstine et je finis par faire une bêtise. Et dis-moi, qui en subit les conséquences? Toi, moi, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que tu me feras mourir. Vous permettez? Ah, manquez plus que ça, le chou-fleur. Oh, bonjour, Mario. Bonjour, Madame Pancetta. Bonjour, Monsieur Ferdinand. Voilà, vous arrivez et une bouteille se casse. Pipo, nettoie tout ça bien proprement. Et voilà, vous arrivez et une bouteille... C'est moi qui l'ai fait tomber, la bouteille, ou bien est-ce que c'est celui qui la tenait en main? Dites-le franchement. Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Pourquoi avez-vous abandonné le bureau de loterie? J'y suis resté jusqu'à tard. Il y a eu beaucoup de monde, mais quand je suis parti, c'était beaucoup plus calme. Monsieur Barthélémy est resté avec Mademoiselle de Biaz et l'agent d'Écosse. Et vous ne pouviez pas y rester, vous aussi? Pourquoi est-ce que je vous paye? Pourquoi vous me payez? Oui, c'est ce que je voudrais savoir. Pourquoi est-ce que je vous paye? Pour faire mon devoir et vous servir toujours. Mais je suis en congé ce samedi, vous l'aviez oublié? Un samedi oui, un samedi non. Vous ne m'aimez pas, monsieur Ferdinand? Je vous suis un peu antipathique. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, je vous aime beaucoup. C'est ça qui me tracasse. Je suis un ancien, moi, dans votre bureau. J'y étais déjà du temps de votre pauvre père. Oui, et vous êtes bien sucré. Sucré. Tout ça parce que j'ai du flair. Je compose mes séries de 2, de 3. Oui, et vous gagnez toujours. C'est vrai, la fortune me sourit. Mais ça devrait vous faire plaisir. La semaine dernière, j'ai gagné 12 000 lire dans le tirage de Paris. Moi qui suis seul dans la vie, je suis venu tout seul dans votre maison de loterie et comment dirais-je, je m'y suis attaché. Vous êtes pour moi comme un père, monsieur Ferdinand. Madame Concetta comme une mère. Et Stella... Stella est ma fille. Je la respecte. Je la respecte comme on peut respecter une sœur. Moi, je dis toujours à tante Herminia, Stella est la couronne de ma tête. Il lui faut une couronne sur la tête. Mais si je vous la passe, la tête, vous ne pourrez plus rien mettre dessus. Maman, je m'en vais. Va, ma fille jolie, va. Non, papa, sois raisonnable. Oh, Mario, je compte sur vous, ne vous attardez pas. Bien sûr, madame Concetta. Où allez-vous? Je vais m'acheter du tissu pour une robe neuve. Et cet éternel chou-fleur, qu'est-ce qu'il a encore à faire avec toi? Cet éternel chou-fleur connaît un commerçant qui me fait des prix. Partons. Viens ici. Va dans ta chambre. Maman, tu as vu? Mais Ferdinand... Toi, tais-toi, je t'en fais autant. Je suis bien. Moi, je veux plus rester dans cette maison. Je vous quitte. Ça vous fera un souci de moi. Monsieur Ferdinand, j'ai l'honneur de vous dire que vous ne deviez pas faire ce geste. C'est un vice que vous venez de donner à Stella, c'est comme si c'était à moi que vous l'aviez donné. Quel mal faisons-nous quand nous sortons ensemble? Nous l'avons fait souvent. Vous ne le ferez plus. Vous avez des vues sur Stella, n'y pensez plus ou tout cela finira mal. J'y penserai toujours. N'y pensez plus, je vous dis. J'y penserai toujours. N'y pensez plus, je vous dis. J'y penserai toujours. Et moi, je vous chasserai de mon bureau à coups de pied dans le derrière. Non. J'ai l'honneur de vous dire que vous ne me donnerez pas de coups de pied dans le derrière et que vous ne me chasserez pas de la maison de la loterie. Et moi, j'ai l'honneur de vous dire que je vous donnerai des coups de pied dans le derrière. Ne vous faites pas de mauvais sens, je ne recevrai pas de coups de pied dans le derrière. Non, eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ah, vous êtes vous, je vous dois le respect. Oh, Ferdinand, chou-fleur. Chou-fleur. Chou-fleur. Tu es beaucoup trop nerveux. Sale chou-fleur. Nous en sommes réduits à ne plus pouvoir parler devant toi. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as donné une gifle à ce petit ange du bon Dieu. Ce petit morveux ne l'épousera pas. Eh ben, nous lui trouverons un prince du sang. Il faut qu'elle m'obéisse. Oh, mais c'est un bon parti, Mario Bertolini. Il est gentil. Chou-fleur. Nous le connaissons depuis longtemps. Sale chou-fleur. Il est honnête, il est travailleur. Qu'est-ce que tu lui reproches? Je ne peux pas le faire. Il a trop de veine. Quand mon pauvre père l'a pris dans la maison de tri, il n'avait pas de chaussures aux pieds. Il crevait de faim. Et puis il a commencé à jouer. Depuis, il ne se passe pas un samedi sans qu'il gagne une série 2 ou une série 3, ou un placé ou un gagnant. Petit à petit, il s'est pourvu, il s'est équipé, il n'a plus manqué de rien. Avec ses gars à maloterie, Il a commencé par retirer du Mont-de-Piété tout ce que sa tante y avait engagé. Et puis, il s'est acheté du linge, il s'est fait faire des costumes, il s'est payé un imperméable. Et quoi, l'imperméable ? Ce minable s'est payé un imperméable, à Naples. Un imperméable, à Naples. À Naples, un imperméable. Tiens, il y a 2 ans, quand j'ai quitté l'appartement du premier étage, tu sais, avec le balcon juste en face du bureau de tri, tu sais bien que je l'ai abandonné parce que mon pauvre père y était mort et ça m'impressionnait. Eh bien, il a trouvé le moyen de gagner 700 000 lire à la loterie, et c'est lui qui l'a loué. Et puis, il a gagné encore 300 000 lire, et il y a fait faire des transformations. Et puis, il s'est mis à rêver. À rêver de son père, de sa mère, de sa grand-mère, de son grand-père, de sa petite sœur, de sa grande-tante. Il les a tous enterrés. C'est le seul survivant de la famille. Dès qu'il pose la tête sur l'oreiller, il rêve, et quand il s'endort, commence le cinématographe. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça prouve qu'il a de la chance. Si l'épouse de Stella, elle en profitera aussi. Avec leurs gains, ils vivront comme des rois. Mais pourquoi? Pourquoi cette régularité dans la chance? Il a des rentrées aussi régulières qu'un employé au ministère des Finances. Eh ben, c'est merveilleux. Mais si après le mariage, il cesse de rêver, ils crèveront de faim. Tous les deux. Mais tu dis qu'il gagne tout le temps. Oh. Chaque samedi. Chaque samedi, je prends une centaine de billets de loterie. Ah, mais ça, c'est de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est de l'argent, ça. Hein. Je passe mes nuits sur les toits pour interroger les nuages et trouver les bons numéros. J'ai... Ça, c'est vrai. Hein. Tais-toi, je te dis, tais-toi. J'ai déjà attrapé une bonne bronchite, mais j'ai jamais gagné une seule fois. Oh, mais voilà la vérité, Ferdinand, tu es jaloux. Ce qui t'embête, c'est que Bertolini gagne pas toi. Eh bien, je lui donnerai pas ma fille, et voilà. Eh bien, moi, je lui donnerai, et voilà. Eh bien, je tuerai toutes les deux, voilà. Non, mais voyons, mais vous n'allez pas plus chuter. Ça fait déjà 22 ans, il fait que ça. Les résultats du tirage. Deux, trois, quatre et 26. Quel sale numéro. Quelle horreur de tirage. Et tu m'avais dit tes numéros étaient sûrs. Mais ce n'est pas de ma faute, monsieur Ferdinand. Je vous donne des probabilités. C'est pas absolument certain. Tu sais ce qui est absolument certain? C'est que je vais te casser la figure. Non, mais monsieur Ferdinand. Je ne veux plus que tu me tournes en boucle. Écoutez, monsieur Ferdinand, la semaine prochaine. Il s'attaque à ma famille maintenant. Tu as rêvé de grand-père. Comme il était beau, en bras de chemise, comme de son vivant quand il lisait son journal devant la maison de loterie. Cette chemise rose, vous vous souvenez? Il est entré dans ma chambre à coucher avec monsieur Sitio, le débitant de tabac, celui qui est mort il y a 18 ans. Il m'a dit, petit, tu vas jouer 1, 2, 3 et 4, une série 4, 7 pommes d'après 50 lire à fin. Mais comment 1, 2, 3, 4, mais 50 lire dessus? Alors moi, j'ai joué comme l'a dit votre pauvre père. 1, 2, 3 et 4, et vous les avez joués. Bien entendu, monsieur Ferdinand. Et regardez. Regardez. Je suis riche. vous m'accordez la main de Stella? Nous verrons ça plus tard. La série de quatre est à moi, c'est papa qui t'a donné le numéro, le billet m'appartient. Monsieur Ferdinand, vous plaisantez. Ferdinand, tu deviens fou! J'ai gagné. Mais non, écoute. J'ai le bon numéro. Non, Ferdinand, non. C'est papa qui m'a donné le numéro, personne ne me le reprendra. Ramène un régiment de quatre. Vous ne pouvez pas faire ça, Ferdinand. J'ai gagné, j'ai le bon numéro. J'ai gagné, j'ai le bon numéro. J'ai gagné, j'ai le bon numéro. J'ai gagné, j'ai le bon numéro. J'ai gagné, j'ai le bon numéro. Conchita ni Stella me voient. Pas de danger. Elles sont en haut, en pleine conversation avec le père Raphaël. Le père Raphaël? Eh oui, il a fallu que j'aille le déranger ce matin à la paroisse Saint-Damiano et lui demander de venir chez nous le plus tôt possible. Oh, ma pauvre madame Carmela, nous n'avons pas de repos depuis samedi dernier. Voilà 6 jours que nous n'entendons que ces cris. Le gros lot, les 4 millions, c'est de l'argent à moi, non, à moi. Oh, franchement, moi, je peux plus les supporter, hein. Dites-moi, mais monsieur Ferdinand n'est pas chez lui. Eh non, il est sorti. Il est parti voir un avocat. Oh, quelle histoire de fou! Mais pourquoi une histoire de fou? Excusez-moi, mais il me semble que M. Ferdinand a son mot à dire dans cette affaire. Alors, vous ne connaissez pas les faits. Le billet appartient à ce pauvre M. Bertolini. C'est lui qui l'a acheté. Et voilà que tout à coup, M. Ferdinand est venu lui dire « Le billet m'appartient puisque oui. C'est mon père qui t'a donné les numéros. » Eh ben... Eh ben, mais son père, il ne peut plus s'occuper de lui puisqu'il est mort. Et pourquoi pas? Ah, attention, Marguerite. Il y a des choses qui vous dépassent. Un père mort doit s'occuper de son fils. Ah. D'ailleurs, il n'a pas autre chose à faire. Bon, enfin, pour l'instant, il faut que je parle à M. Ferdinand, c'est très important. Écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais m'en aller et je reviendrai dans un petit moment. C'est ça. Et si je ne le trouve pas, eh ben, je reviendrai encore une autre fois. C'est entendu. Allez, au revoir, Marguerite. Au revoir, madame Carmela. À bientôt. Je vous le répète, il vous faut de la patience. Je connais le caractère de M. Ferdinand, il se ferait tuer plutôt que de reconnaître son erreur. Généreux, cœur d'or, bon père et bon mari, mais il faut bien le dire, obstiné, têtu, comme une bulle. Alors calmement, peu à peu, il faut lui faire comprendre que sa thèse est complètement erronée. Je lui parlerai, moi, et vous verrez qu'il changera d'idée. Oh, c'est pour ça que je vous ai fait venir, mon père. Vous, il vous écoutera. Je suis sûre qu'il acceptera vos suggestions. Ben voyons, ça ne fait aucun doute. Petite Anisette, mon père? Ah oui, très volontiers, oui. Parfait, parfait. En effet, tout est parfait chez vous, madame Conchita. Je la garde pour vous, cette bouteille d'anisette, je sais que vous aimez ça. Ah oui, mais il ne faut pas en abuser une fois de temps en temps quand je viens ici. Eh ben, descends à la boutique, toi. Oh, pardon. Ouh, mais je ne la bois pas pure. Je ne la bois pas pure. Oh, Stella, mon enfant. Ne prends pas la chose au tragique, tu es trop intelligente pour ça. Je connais papa mieux que vous, il a dit qu'il ne donnerait pas le billet à Mario, il ne le donnera pas. Mais je te dis que je lui parlerai, moi. Et tu verras que Monsieur Ferdinand restituera le billet à son propriétaire. Mais si. Seulement vous devez adopter une meilleure tactique, pas? Je vous le répète... Ne le heurtez pas, n'en parlez plus, et vous verrez que c'est lui qui mettra l'affaire sur le tapis, et peu à peu, il finira par se convaincre lui-même de son erreur. Bonjour. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? C'est ma femme qui vous envoyait chercher, hein? Oh, non. Non, je passais par ici, je me suis dit, tiens, je vais aller boire une petite anisette chez madame Conchita. Voilà. Tu n'as vu personne? Non. Pardon. Père Raphaël. Oui. Mais je suis venue à l'église hier soir. Oui. Oh, il y avait beaucoup de monde. Oui. Quel beau sermon. Oui. Vous m'avez fait pleurer. Oh. Ah, si, si, si. Stella aussi pleurait. De tout le monde, Oui, oui, oui, oui. Pourquoi mentir? Il m'aime bien. Ah, ben, c'est que je n'emploie pas de mots difficiles. Et vous avez remarqué, je ne parle jamais en latin. Ah, il faut dire au peuple des mots simples, compréhensibles. Alors, je raconte des anecdotes, j'illustre la vie des saints. Récemment, j'ai eu un gros succès avec Saint-Ubald. Saint-Ubald. Saint-Ubald, vous savez, le protecteur de Goubie. Il dit le protecteur de Goubie. J'ai parlé des fêtes locales, des fameux cierges gigantesques, de la bénédiction sur la montagne, j'ai parlé. Il n'est pas venu. Qui? Saint-Ubald? Non, Bertolini. Ah, ben, il est venu à un petit moment. Oh, mon père, quel dommage, je n'étais pas là. Oui. Vendredi. Quoi, vendredi? Vendredi, ce sera aussi très intéressant. Venez, vendredi soir, je parlerai de Saint-Augustin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Saint-Augustin. Bertolini. Il voulait te dire un petit bonjour. Saint-Augustin. Ça, pour rien, non, non. Je ne lui donnerai pas l'argent. Il n'aura pas ma fichette. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne portera pas plainte parce que tu es le père de Stella. Et que même si, de ton plein gré, tu veux bien lui remettre le billet, il te fera cadeau de 20 000 livres. Ah bon, il me fait l'aumône. Mais enfin, quoi? Est-ce que l'argent est à toi? Parfaitement, l'argent est à moi. On vous a raconté l'histoire, mon père. Ah, on m'en a dit quelques mots. C'est mon père qui a trouvé les numéros, le billet m'appartient. C'est Mario qui a acheté le billet avec son argent. Toi, tais-toi ou je te donne une autre chiffre. Je suis allé chez l'avocat, il n'y était pas. Je lui ai fait dire de venir ici le plus tôt possible. Avant qu'il me fasse un procès à moi, c'est moi qui vais lui en faire un à lui. Je préfère m'en aller. Vous permettez, mon frère. Oui, mais pas comme ça, Stella, pas comme ça. Alors, viens avec ta maman, ce ne sera rien. Oh, mon père, vous permettez. Vous êtes allé chez l'avocat? Je suis allé chez l'avocat. Et vous l'attendez ici? Je l'attends ici. Et s'il vous plaît, pourrais-je savoir ce que vous allez dire à l'avocat? Qu'on veut me duper, qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut pour essayer de m'escroquer. Qui on? Mario Bertolini et compagnie. Et qui est la compagnie? Ma femme et ma fille. Ah, pardonnez-moi, monsieur Ferdinand, mais il ne semble pas, d'après ce que j'ai entendu dire, que vous puissiez parler d'escroquerie ou de duperie. Ni vous ni moi ne pouvons en décider, mon père, il faut un homme de loi. Oui. Quand vous faites un procès, on ne sait jamais comment il finira, mais on commence toujours par débourser. Eh bien, ça me coûtera. Ce que ça me coûtera, je vendrai tout jusqu'à mes chaussettes. Monsieur Ferdinand, maître Sfumilo est en bas. Voilà, l'avocat, nous allons bien voir. Eh bien, faites comme vous voudrez, mais réfléchissez bien, moi, je vous laisse. Non, non, mon père, il vaut mieux que vous soyez présent. Suivez-moi. Voulez-vous sortir? Sortez-les ici, allez, sortez tous. Allez, entrez. Monsieur Ferdinand Quagliolo? C'est moi-même. Enchanté, notre ami commun m'a parlé de vous, me voici. Vous êtes venu chez moi, je n'y étais pas, de quoi s'agit-il? Je vais vous expliquer. Père Raphaël Consolo, curé de la paroisse San Damiano, maître Strumilo. Enchanté. Très honoré. C'est moi qui suis enchanté. La paroisse San Damiano. Bien sûr, je la connais très bien. Très, très ancienne. Dans cette paroisse, ma pauvre grand-mère s'est mariée. Nous avons eu deux prêtres dans la famille, dont un canonisé. Moi-même, j'ai été élevé dans un séminaire. Mon père voulait absolument que je sois curé. Curé. Oh, mais je l'aurais été, les curés sont des gens très bien. Mais je faisais déjà la cour à celle qui est devenue ma femme et dont je suis séparée légalement. De temps en temps, elle m'amène la petite, je suis si occupé, la vie est un ouragan, bref, je suis avocat. Du reste, il y a une affinité certaine entre nos deux professions. Moi, j'assiste les vivants et vous, vous assistez les morts. Non, ce que vous dites n'est pas exact. Notre mission est d'abord d'assister les vivants, puis de réconforter les mourants après le passage de l'avocat. Asseyons-nous. Alors, monsieur Ferdinand, je suis à vous. De quoi s'agit-il? D'un vol, tout simplement d'un vol. Vol? J'ai gagné à la loterie un gros lot de 4 millions de livres grâce à 4 numéros que mon père a donné à un certain Mario Bertolini. Bertolini. Eli-Eni. Eli-Eni. 4 millions de lire. Le billet gagnant, c'est moi qui l'ai. Oui, mais le père de monsieur... Excusez-moi, laissez-moi parler, sinon nous n'en sortirons jamais. Or, ce Bertolini prétend que c'est lui qui a gagné, que le billet est à lui, et il voudrait me faire l'aumône de 20 000 lire. Mais jamais de la vie, ce Bertolini doit être un fou. C'est vous qui avez le billet? Bon, bah allez retirer les 4 millions et ça sera fini. Ah non, ça n'est pas possible. Il s'est mis d'accord avec ma femme et ma fille. Ils disent que c'est lui qui a payé le billet avec son argent. Et bien entendu, c'est vous qui l'avez payé. Non, c'est lui. Et alors? Mais c'est mon père qui a indiqué le numéro en présence d'un témoin, M. Ciccio, le débitant de tabac. Ah, j'y suis. Il a joué avec votre argent. Non, avec le sien. Écoutez, Monsieur Ferdinand, je ne peux pas à première vue vous donner une opinion définitive. Je voudrais d'abord étudier l'affaire. Donnez-moi quelques détails. Le billet n'a pas été acheté en association. Bon, il semble en effet qu'il n'y ait pas eu accord entre vous et Mario Bertolini. Mais étant donné qu'il voudrait nous reconnaître en droit de 20 000 lire, c'est déjà quelque chose. Si, comme vous le dites, votre père a donné ses fameux numéros en présence d'un témoin, je pense qu'ils pourront nous reconnaître quelques droits. Donc, vous n'avez qu'à retirer l'argent. Si ce Bertolini devait agir par voie légale, nous ferions citer en justice le témoin, monsieur... Ciccio. Ciccio, le débitant de tabac. Ça n'est pas possible. Monsieur Ciccio ne peut pas venir témoigner. Vous plaisantez! Il n'a pas le droit de se récuser. Les gendarmes nous l'amèneront. Mais monsieur Ciccio est mort. Eh bien, votre père, à la rigueur. Mais mon père aussi est mort. Attendez, attendez. Depuis combien de temps? Mon père, depuis 2 ans, et monsieur Ciccio, le débitant de tabac, depuis 18 ans. Mais pardon, excusez-moi, le billet en question, quand a-t-il été gagné? Samedi dernier. Mais alors, comment est-il possible que votre père ait pu donner ses fameux numéros à Bertolini? En rêve. Oui, le père de M. Ferdinand est apparu en rêve à Mario Bertolini et lui a donné les 4 numéros en présence de M. Ciccio, le débitant de tabac, mort lui aussi, bien entendu. Bien entendu. Oui. Alors le rêve appartient à Bertolini. Ah non. Et c'est ça l'erreur. Bertolini habite la maison où j'habitais moi avec mon père. Je l'ai abandonné après sa mort parce que ça m'impressionnait. Donc, feu mon père, le pauvre, croyait me trouver moi dans cette chambre. Il ne s'est pas rendu compte que dans mon lit, à ma place, il y avait Bertolini. Et c'est si vrai qu'il n'a pas dit Bertolini joue ses numéros, il a dit petit. Petit joue ses numéros. Petit, c'est comme ça que papa m'appelait quand j'étais petit. Petit. D'ailleurs, je peux prouver que mon père avait de l'antipathie pour ce Bertolini. Jamais, ça jamais, au grand jamais, il n'aurait pu lui donner une pareille série de 4. Ça jamais. Jamais. Jamais. Vraiment jamais. Cette affaire est complètement ridicule. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter au président du tribunal? Bon, alors écoute, mon père est apparu, mon pauvre père est apparu en paix, mon pauvre père. Oui, un instant, mon père, mon pauvre père, un instant, mon pauvre père. Mon pauvre père, mon père. Votre pauvre père est apparu en rêve à Mario Bertolini et lui a donné les numéros. Donc, respectez la volonté du défunt qui, en fait, a voulu enrichir votre famille puisqu'il apparaît que les deux jeunes gens s'aiment. Ah, pardon. Mon père était un homme bon, vous le reconnaissez vous-même, c'était une bonne âme. Il est apparu en rêve à Bertolini. Il lui a donné des numéros sûrs qui sont sortis. C'est bien cela, n'est-ce pas? Eh bien, puisque nous parlons d'armes, parlons-en sérieusement. Vous êtes spécialiste en armes, mon père. Hein? Spécialiste, ma parole, monsieur Ferdinand, vous me prenez pour un otorino-laryngologiste. De toute façon, il y a une chose que vous pourrez certainement m'expliquer très facilement. Vous savez très bien comment j'entretiens la tombe de mon père. Tous les vendredis, je vais au cimetière. 850 lire de taxi aller et 850 lire de taxi retour. J'apporte 2 à 3 000 lire de fleurs, ce qui fait... 4 007. 4 700 lire. Plus 4 messes à 500 lire pièce. 2 000 lire. Bon. Tous les vendredis, 4 700 lire, ça fait par mois... 18 800 lire. Plus 2 000 lire de messes, ça fait 20 800 lire, je sais. Oh, ouais. Tous les mois... Je dépense 20 800 lire pour le repos de l'âme de mon pauvre père. Et l'âme de mon pauvre père aurait choisi Bertolini. Enfin, ce monde de l'au-delà existe-t-il, oui ou non? Mais certainement, et vous ne devez pas l'offenser avec vos doutes. Bon, je reprends depuis le début. Tous les mois, je dépense 20 800 lire. 20 800 lire de Fleur-Cierge Transport et Messe pour le repos de l'âme de mon pauvre père. Et lui, mon père à moi, mon père légitime, aurait un tuyau sûr. Un tuyau qui rapporte 4 millions de lire et il irait le donner à un étranger. Mais ce serait inqualifiable. Je ne veux qu'une seule explication. De là où il est, le défunt a très bien pignoré que j'ai changé d'adresse. Car s'il l'a fait sciemment, c'est une escroquerie inadmissible. En somme, toute la question est de savoir s'il y a eu ou non escroquerie de la part du défunt. Répondez mon père sans vous embrouiller. Allez, oh, moi m'embrouiller, non mais mon cher monsieur Ferdinand, vous devenez fou, non? Non mais je le deviendrai certainement si vous n'avez pas à me fournir une explication claire, ça. Cher monsieur Ferdinand, on fait dire des messes pour le repos de l'âme d'un cher disparu, on n'a pas le droit d'en faire une spéculation. Si c'est dans cet état d'esprit que vous voulez me les faire dire, ne comptez plus sur moi, c'est fini. D'ailleurs, si pour chaque messe de 500 lire, on pouvait prétendre gagner le gros lot de 4 millions, il n'y aurait plus d'équilibre budgétaire et l'État ferait faillite. Ben voyons. Qu'est-ce que l'âme vient faire dans ces petites mesquineries? Bertolini a rêvé, les 4 numéros sont le fruit de son imagination. Pardon. Tout à l'heure, vous m'avez dit que l'âme de mon père était apparue en rêve à Bertolini. Et maintenant, c'est de l'imagination. Ah, non mais ça... J'ai dit l'âme. Pour parler comme vous, la plupart des gens croient ce que vous avez cru. Mais il ne faut pas confondre le miracle avec les petits intérêts de notre vie quotidienne. Ici, c'est l'imagination qui travaille. Ah oui, et l'imagination, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'âme? Non, ça n'est pas l'âme. Non, ça n'est pas l'âme. Non, l'imagination, cher monsieur Ferdinand, comme voulez-vous? Je suis un serviteur du mystère qui peut se définir en un seul mot, un seul. Mystère. Écoutez, je ne peux quand même pas faire comparaître au tribunal l'âme de votre père, le mystère et l'imagination. Au tribunal, il faut des documents écrits, du papier timbré. Vous avez peut-être vos raisons, mais le juge, lui, ne peut entendre ni le mystère ni l'âme. Je vous conseille vivement de restituer le billet à son propriétaire légitime et d'accepter les 20 000 lire qu'il vous propose. Sur ce, je m'en vais, j'ai affaire. Et alors? Débrouillez-vous comme il vous plaira. Mais respect, mon père. Au tribunal, il faut des preuves testimoniales, des documents écrits sur papier timbré. Encore une fois, bonsoir. Écoutez-moi. Ne vous mettez pas dans une situation inextricable, puisque de toute façon, l'argent restera dans la famille. Allez, je m'en vais et j'espère que mes paroles trouveront un juste écho dans le fond de votre âme. Ah, de mon âme, parce que pour moi, il existe une âme, et pour Bertolini, c'est de l'imagination. Très bien, ça y est, j'ai compris. Mais revenez à la raison. Et ne contrariez pas, Madame Conchetta, ne vous obstinez pas. L'erreur est humaine et l'oubli est divin. Allez, je vous laisse. J'espère que bientôt, vous viendrez me trouver à la paroisse et que vous aurez de bonnes nouvelles à me donner. Au revoir. Tous d'accord. Ils sont tous d'accord, mais moi, je ne céderai pas. Oh, monsieur Ferdinand! Non, madame Carmela, si ça doit être long, on verra ça une autre fois. Ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas le moment, vous savez. Oh, c'est très important, monsieur Ferdinand. Je dois vous parler tout de suite. C'est une affaire très grave. Oh, votre père a beaucoup insisté. Papa. Asseyez-vous, madame Carmela. Demain matin, à la première heure, va porter mon message à Ferdinand. Je compte sur toi. Oh, j'ai rêvé, monsieur Ferdinand, j'ai rêvé. Et c'était tellement vrai, mais alors tellement vrai, qu'après, j'ai jamais pu m'endormir tellement j'étais impressionnée. Oh, oh, comme il était beau. Avec la chemise rose qu'il portait, vous vous souvenez, quand il s'installait pour lire son journal devant la maison de loterie, il m'a dit, Carmela, je suis fatiguée, laisse-moi m'asseoir un peu. Et il transpirait. Alors moi, je lui ai dit, mais bien sûr, monsieur Saverio, faites comme chez vous. Et s'est installé là, au pied de mon lit. Alors il m'a dit, Carmela, je te connais depuis très longtemps. Je sais que tu es une femme dévouée et toi seule peux me rendre un grand service. Et il transpirait. Alors moi, je lui ai dit, mais avec plaisir, monsieur Saverio. Alors il m'a dit... Qu'est-ce que vous a dit, madame Carmela? Oh! Alors là, il m'a dit, oui, voilà, il m'a dit, va trouver mon fils Ferdinand, dis-lui que le gros lot lui appartient. Quand je suis entrée dans sa chambre, je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait Mario Bertolini. Je sais que c'est Ferdinand qui détient le billet, bien qu'il ne savait pas faire, hein, qu'il tienne bon malgré tous les discours, parce qu'après, je ne pourrais plus jamais lui indiquer les numéros gagnants. Alors moi, je lui ai dit, mais pourquoi ça, monsieur Saverio? Alors il m'a dit, c'est ma punition, ma pauvre Carmela. Comme je me suis trompée une fois, on n'accordera plus jamais le droit de rendre ce genre de service. Eh oui, ils sont sévères là-haut. Alors moi, je lui ai dit, mais monsieur Saverio, pourquoi que vous n'allez pas le dire vous-même à votre fils? Alors lui m'a dit, parce que je ne connais pas son adresse. Oh, et quelle sale idée j'ai eue de changer d'appartement. Mais pourquoi ne pas lui avoir donné la bonne adresse, non, madame Carmela? Non, mais j'en ai pas eu l'idée. Franchement, moi, vous savez que c'est alors, en face. Alors il m'a dit, et surtout n'oublie pas. Alors je lui dis ça, monsieur Saverio, soyez tranquille, allez. Demain matin, mon premier souci sera d'aller trouver votre fils. Ensuite, je l'ai accompagné à la porte. Ah, alors là, il m'a dit, comment que ça va votre mari? Puis moi, je lui dis, ça va bien, quoi. Oui, vous avez fait la guerre ensemble. Après, il a descendu l'escalier. Tiens, j'ai entendu la grande porte se refermer et je me suis réveillée. Oh, monsieur Ferdinand, je suis encore toute bouleversée de cette visite, moi. Quel miracle! Ah, vous laissez pas faire, hein, monsieur Ferdinand, tenez bon. Votre pauvre père m'a parlé comme je vous parle en ce moment. Moi, je l'ai vu comme je vous vois. D'après le père Raphaël, ce serait de l'imagination. Oh non, c'est pas vrai. Madame Carmela, dites-moi, seriez-vous disposée à répéter au tribunal tout ce que vous venez de me dire? Oh, mais naturellement que ça ne me ferait pas peur, puisque c'est la vérité. Bien, bien. Rentrez chez vous, madame Carmela. Rentrez chez vous. Quand le moment sera venu, je vous ferai appeler. Et dites-moi, madame Carmela, dites-le bien à mon pauvre père, je ne me laisserai pas faire. Pas même un régiment de carabiniers ne m'arrachera le billet des mains. Mais oui, c'est et répétez-lui ça 1000 fois. Et à propos, pendant que vous y êtes, donnez-lui mon adresse. Oh, mais c'est même sans faute, je lui donnerai, monsieur Ferdinand. C'est ça, merci. Si je le vois. Bien sûr, alors, bien sûr. Entendu, monsieur Ferdinand, l'argent vous appartient, vous avez gagné. Et encore merci. Je vous fais de félicitations. Merci. Je suis content. Merci, vraiment. Au revoir, monsieur. Merci, madame Carmela. Merci. Monsieur Ferdinand. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Ferdinand, qu'est-ce qu'elle voulait, madame Carmela? Est-ce que ça te regarde? Monsieur Ferdinand. Quoi? Monsieur Ferdinand, cette nuit, j'ai rêvé de votre père. Lui aussi. Quoi? Vous aussi, vous avez rêvé de lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Franchement, je ne sais pas trop si c'était votre père. En tout cas, il est en bras de chemise. Une chemise rose? Oui, une chemise, enfin, une sorte de drap. Un drap rose, alors? Oui, une sorte de drap. Il m'a dit... Ah ben oui, ça devait être votre père, il avait un billet de loterie à la main. Oui. Un billet de loterie, mais alors, un grand. Et il m'a dit... Et puis tout à coup, il m'a tiré la langue. Il t'a tiré la langue aussi? Je ne me rappelle plus très bien, ça devait être une série de 4. Est-ce qu'il t'a dit de venir me parler? Ah ben non. Non. Et puis, il s'est assis. Et il transpirait. Il transpirait? Oui. C'était papa. Toi, tu ne peux pas te souvenir, tu as le sommeil trop lourd, mais le témoignage de madame Carmela me suffira. En tout cas, je me suis renseigné, et une chose certaine, le billet gagnant appartient à Bertolini. Ah oui? Et qui t'a dit ça? Ben, tous ceux à qui j'ai posé la question ont répondu la même chose. Mademoiselle de Biaz. Oui. Inspecteur des côtes. Des moutons. Le coiffeur Giovanni. Oui, un mouton. Il y avait même un monsieur qui était en train de se faire coiffer. Oui, un mouton. Oui, et bien quand je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit... S'il ne restitue pas le billet, il passera un mauvais quart d'heure. Mais tu entends? En somme, ce que tu veux, c'est détruire notre famille. Écoute, donne-le-moi ce billet. C'est moi qui le rendrai, comme ça tu n'auras pas l'air de céder. Mais qu'est-ce que vous êtes tous fourrés dans la tête? Vous me prenez pour un Pulcinelle? Je m'appelle Ferdinand Paiolo. Et quand j'ai dit une chose, je n'en démords pas. Comment? J'ai eu la chance de gagner un gros lot de 4 millions de lire, et tu voudrais que je le lui donne. Ah, la loi me donne tort. L'avocat dit qu'il ne peut pas faire comparaître l'âme de mon père au tribunal, eh bien c'est ce que nous allons voir. Mais pense à toi, pense à ta famille, pense à ta fille, et ne fais pas traîner cette affaire. Tu sais bien que tu le rendras, ce billet, que tu le veuilles ou non. Ce billet, je ne donnerai à personne, pas même au pape, en queue de compte. Oh, une camisole de force, il te faudrait une camisole de force. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce billet? Tu ne peux pas retirer l'argent, on t'arrêterait. Ce serait la prison. Eh bien, j'irai en prison avec le billet. Oh, le père Raphaël a bien raison de dire que tu as la tête dure. C'est ce que dit le père Raphaël, que j'ai la tête dure. Encore plus qu'il ne le croit, Conchetta. J'ai la tête dure, très dure. J'ai besoin de cet argent. Mais... C'est 4 millions, j'en ferai un gros paquet et je me coucherai dessus. Oh. Pippo! Oui, qu'est-ce que... Va chercher Bertolini. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je vais prendre l'affaire en main. Celui qui veut rouler Ferdinand Coyolo n'est pas encore né. Où avez-vous mis le billet? Attends, dans ton veston, il est sûrement dans le veston. Dans mon veston, Ferdinand, on va le trouver. Le voilà, dans mon veston. Il y a absolument rien. Il y a rien dans le veston. Il faut le chercher. Billet. Avec calme, on va le trouver tout à l'heure. Bon, le billet, où est-il? Il faut le trouver tout de suite. Non, je t'en prie. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui t'a fait? Vas-y, je vois le corps. Allez, où? Oh, sainte mère, quelle mauvaise manière. Qu'est-ce qui arrive encore? Le billet. Il a perdu le billet. J'ai perdu le billet. Oui, je l'ai perdu. Bien sûr. On va voir comment tu vas t'en tirer maintenant. Tu croiras que tu l'as vraiment perdu. Que je l'ai perdu? On me l'a volé. Il y a un voleur dans la maison, 4 millions. Des bandits de grand chemin. Voilà ce que vous êtes toutes. Je vais toutes vous faire arrêter. Oh, mais je suis honnête, moi j'ai rien. C'est là où silence. Silence. Silence. Il n'est pas question de dénonciation. Nous allons fouiller tous les meubles de la maison. Celle qui trouve le billet et qui ne le rend pas, je la tue. Ah, mais elle est à la fouille. Bertolini, je ne voudrais pas me montrer tout de suite à M. Ferdinand, vous comprenez? C'est lui qui m'avait consulté en premier, mais son affaire n'est pas bonne. Non, la mienne est meilleure. Et puis quelle importance? Vous êtes avocat. Nous ne dirons pas que c'est vous qui êtes venu chez moi. Je peux très bien de moi-même vous avoir demandé de m'assister. Parfait, de cette façon, vous comprenez, nous sauvons les apparences. Bon, vous voulez épouser la jeune fille? Je m'en occupe, fiez-vous à moi. Mais il nous faut deux témoins. Or, moi, je suis parti civil. Et... Pipo est un homme à lui. Non! Pipo est un homme à moi, je lui ai promis 10 000 lire. Parfait! Alors je vais tout organiser. Vous, pendant ce temps-là, essayez de ne pas brusquer M. Ferdinand. Soyez aimable. Moi, je vais aller chercher deux témoins. Dès qu'ils seront là, Pipo vous fera signe et vous ferez parler M. Ferdinand. Il faut qu'il dise devant témoins qu'il vous a pris le billet. Comptez sur moi. Dès que les témoins seront là, faites-les monter par l'escalier. Ils assisteront à la scène sans être vus. Parfait! Nous allons fouiller tous les meubles de la maison. Pipo, oui, qu'est-ce que c'est? Pipo, on m'a volé le billet. Qu'est-ce que vous dites? J'ai déjà fouillé de fond en comble la chambre à coucher des trois femmes. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bertolini est là. Je suis dans le pétrin, tu comprends bien que personne n'y croira. Après ce qui s'est passé hier, on va dire que je l'ai fait disparaître exprès pour l'embêter. Voilà. Tu vas voir les ennuis qu'il va me faire. Vous avez fouillé dans vos poches? Bien sûr. Bien sûr, j'ai commencé par là. On m'a volé le billet. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Va chercher Bertolini. Un instant. Je me connais, c'est plus prudent. Je serai capable de le tuer. Et mes ennuis seraient encore beaucoup plus graves. Maintenant, va chercher Bertolini. Mario! Me voici. Qu'avez-vous à me dire? Un instant, vous voyez bien que je suis occupé. Il vient de se produire un fait nouveau. J'ai été victime d'un vol, le billet a disparu. On vous a volé le billet, mais c'est une histoire de fou et vous me la dites avec ce calme. Mais monsieur Ferdinand, vous vous rendez compte? Il s'agit de 4 millions. Là, là, là, vous exagérez, qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous? Pourquoi cette colère? C'est moi qu'on a volé, pas vous, alors. Mais c'est mon argent qu'on vous a volé. Comme il n'est pas question que j'aille en prison à cause de vous, je suis un homme âgé, je suis père de famille, voici ce que nous allons faire. Cette lettre que je viens de rédiger, vous allez la recopier de votre main et la signer. Sans mon avocat, je ne signe rien. Tu signeras ce que je voudrais. Je ne signerai pas, il n'y a rien à faire. Tu vas signer ça. Ne nous énervons pas. Raisonnons calmement. Vous dites qu'on vous a volé le billet, que vous l'avez perdu. Moi, je n'y crois pas. D'ailleurs, personne dans le quartier n'y croira. Alors, vous voyez bien que ma position est la plus forte. Soyez beaux-soeurs. Accordez-moi la main de Stella, sortez le billet de sa cassette, l'argent restera dans la... Mais je n'ai plus le billet, on me l'a volé, et même si je l'avais, je ne te donnerai jamais Stella. Ma fille n'a rien à voir avec un billet de loterie. L'obstination, c'est un vrai sang. Allez, signe ça, alors. Lisez-moi d'abord la lettre. Mario Bertolini à Monsieur Ferdinand Quagliolo. Cher monsieur, je suis vraiment navré qu'une personne de votre rang, de votre qualité... Ma parole, vous vous prenez pour un ministre. Mais c'est pas moi qui parle, c'est toi. Alors, ai eu des ennuis ces derniers temps à cause de moi. Les bruits qui ont circulé à propos des 4 millions sont dénués de tout fondement. Vous en êtes le seul propriétaire ou légitime. D'autre part, pour des raisons de santé, je vais être obligé à mon grand regret de quitter de mon plein gré le poste que j'occupe depuis 14 ans dans votre honorable maison de loterie. En outre, je déclare renoncer volontairement à tous mes droits en ce qui concerne la sécurité sociale et la retraite des vieux. Veuillez agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués, les plus cordiaux, les plus amicaux, etc., etc., etc., etc., etc., etc. Et vous signez ici votre tout dévoué Mario Bertolini. Tout ceci est complètement ridicule. Vous ne vous en sortirez pas aussi facilement. Voici la situation exacte. Si vous avez perdu le billet, c'est très ennuyeux. Si on vous l'a cassé, volé, c'est pire. Et si vous l'avez cassé, c'est encore bien pire. De toute façon, je vais vous faire mettre en prison. Avant que moi... je sois en prison, vous serez au cimetière. Quagliolo, vous êtes fou. Non, pas du tout. Je vais tirer sur toi. Tirez sur moi, mais je ne signerai pas. Je tire. Tirez. Je tire. Vous me chatouillez. Tu vas mourir. Ah, je sais bien, si vous tirez, je vais mourir. Non, mais non seulement ça, mais tu vas perdre la vie. La vie, c'est précieux. La mort, c'est important, la mort. Hein? Enfin, on ne meurt qu'une fois, surtout à ton âge. Allons. Allons, je tire. Hein? Allons, je tire. Allons, je tire. Allons. Allons, je tire. Allons, je... Allez, je veux bien attendre encore un peu, réfléchis. Oh, c'est tout réfléchi, vous pouvez y aller tirer, ça ne me dérange pas. Ah, ça ne te dérange pas. Non, ça ne te dérange pas. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et ça, ça te dérange? Et voilà. Monsieur Mario Bertolini a demandé mon assistance pour ce différend, j'ai accepté, je suis son avocat. Appropriation indue, diffamation, extorsion de fonds, attaque à armée, coups et blessures. Notre affaire se présente très bien. Voulez-vous me remettre le billet? Mais je ne l'ai plus, on me l'a volé. Volé, c'est invraisemblable. Vous y croyez, vous? Non. Ah. Agentez-vous la main de votre fille. À Bertolini, jamais. Voici la dernière de votre père, il l'a assommée. Du sang! Je vous donne jusqu'à demain après-midi, écoutez, mettons 4h30. À 7h30, très précise, je vous attends chez lui. Écoutez-moi, vous connaissez l'adresse, c'est votre ancien domicile. Mais puisque... vous signerez un papier que je vais préparer. Vous lui donnerez votre fille, mais... et il mettra une croix sur ce qui s'est passé. Sinon, tant pis pour vous. Appropriation indue, diffamation, extorsion de fonds, attaque à armée, coups de blessure. Vous auriez mieux fait de tirer sur moi. Imbécile. Imbécile. Pour m'éviter les catastrophes, je vais retirer les balles du revolver avant de te faire entrer. Il n'est pas chargé. Tiens, regarde. Voilà. Oh mon Dieu, ça me vient. Va-t'en, va-t'en, je ne veux plus te voir dans ma maison. À cause de toi, j'ai failli perdre la liberté. Et moi, c'est la vie que j'ai failli perdre. Et tu la perdras, ta vie, tu la perdras. Tu veux le billet? Tu vas l'avoir. Tu vois, papa, je le lui donne, le billet. Mais écoute-moi bien, papa. Si le rêve m'était bien destiné, si l'argent ne lui appartient pas, alors toi, toi qui es dans le monde de la vérité, fais qu'il n'en profite jamais. Qu'il subisse 40 000 calamités, que chaque centime qu'il me prend lui apporte une catastrophe, qu'il connaisse les maladies bénignes et les maladies les plus graves, les foulures et les fractures des membres supérieurs et inférieurs, la peste et le choléra, le froid, la misère et la faim, lui et tous les Bertolini, jusqu'à la 7e génération. Voilà le billet. Partez tous. Partez tous. Partez tous. Partez tous. Papa, je t'en supplie, fais ce que je te demande. J'ai jamais de repos dans cette maison. La tante de Bertolini. Madame Herminia ! Quel enfer, je n'en peux plus. J'ai envie de me battre, Oh, oh, mais faites pas ça, madame Conchetta. Oh, si, ne la faites pas entrer, pour l'amour du ciel, je n'ai rien à vous dire. Non, madame, vous devez m'écouter, il faut être humain. Nous sommes dans une situation lamentable. Mais ma pauvre madame, je n'y peux rien. Mettez-vous à ma place. Vous mettez-vous à la mienne, madame. Depuis le jour de la malédiction, nous n'avons plus trouvé de repos. Mario, mon neveu, n'était pas maudit depuis 5 minutes. Qu'il est tombé dans l'escalier, s'est cassé un bras. Il y a un mois de ça, il est toujours dans le plâtre. Moi, j'ai passé la première nuit près de lui à l'hôpital. Comme la maison était vide, on en a profité pour nous cambrioler. Les voleurs ont dû allumer quelques bougies ou Dieu sait quoi. Bref. Une tenture a pris feu et adieu toutes nos affaires. On n'a même pas pu s'en faire un petit bout de table. Maintenant, nous partageons cette petite chambre meublée. Nous y subissons l'assaut des créanciers. Quelle humiliation pour des gens honnêtes. Et cet avocat qui ne cesse pas de réclamer ses honoraires. Et mon neveu ne peut pas aller retirer le gros lot. Chaque fois qu'il essaie de le faire, il lui arrive une nouvelle catastrophe. L'autre jour encore, en entrant à la banque, il a été assommé par un individu qui, après l'avoir roué de coups de bâton, a fini par lui dire « Oh, excusez-moi, ce n'était pas pour vous. Pardon, c'est une erreur. » Vous comprenez, moi j'y crois aux malédictions. Mais moi aussi j'y crois. Mais il m'est impossible de m'immiscer entre Ferdinand et mon beau-père. Forcément, avec tout ce qui s'est passé, mon pauvre Mario n'a pas pu se présenter au bureau pendant 15 jours. Alors savez-vous ce que Monsieur Ferdinand a fait? Il l'a licencié par lettre recommandée, regardez. Votre mari veut même nous priver de ce pauvre morceau de pain que mon neveu gagnait honnêtement. Oh, calmez-vous, madame Herminia, je vous en prie. Chez moi aussi, vous savez, c'est devenu un enfer. Tenez, aujourd'hui, mon mari a voulu donner un repas pour fêter le danger auquel il a échappé le mois dernier. Il a invité le père Raphaël. Oh, moi, j'ai rien voulu préparer. Alors il s'est mis lui-même à faire la cuisine. Mais moi je me mettrai pas à table, y a rien à faire. Quelle farce! Regardez! Tout ça me fait détester la mémoire de mon grand-père. Oh, il ne faut pas dire ces choses-là. La bouteille d'huile, il veut l'autre huile. Oh, cette cuisine, c'est effrayant. La farine par terre, des casseroles en plein milieu entassées les unes sur les autres. La viande est carbonisée, il a dit qu'il a fait exprès. Il a raté aussi l'entremets. Au lieu de mettre du sucre dans la crème, il a mis du sel. Et il y avait déjà des fruits confits. Et il prétend que c'est comme ça qu'il voulait la faire. Parfaitement. C'est comme ça que je veux faire mon entremets. Une tarte salée aux fruits confits au chocolat. J'ai déjà mis une poignée de capre, un oignon haché et 10 grammes de poivre. Ah. Et c'est comme ça que nous la mangeons. Oh, madame Herminia, excusez-moi, je vous ai pas vu. Je vous donne pas la main, elle est sale. Je suis en train de faire de la cuisine. Va dire à Pipo de mettre le chocolat dans la friture. Oh, et allez donc, ça continue. Le père Raphaël n'est pas là? Oh non, pas encore. Ah, il va pas tarder. Nous l'attendons à déjeuner. Nous commémorons aujourd'hui le danger auquel j'ai échappé le mois dernier. À cette heure-ci, je pourrais être en prison et votre neveu au cimetière. Hein. Et à propos, vous aussi en famille, vous célébrez cette date? Monsieur Ferdinand, vous nous avez envoyé une lettre ce matin. Quelle lettre? La lettre de licenciement. Ah oui, ça va. Il me manquait un employé. J'ai patienté quelques jours et puis j'ai dû prendre mes dispositions. J'ai fini par engager un bon petit jeune homme. Un petit jeune homme de 63 ans. Un de ces jeunes gens qui ont du mal à tomber amoureux et encore beaucoup plus de mal à faire tourner la tête aux filles de leur patron. Écoute-le, ce qui peut être pénible. J'ai entendu, j'entends très bien. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Vous pouvez pas le mettre à la rue, ce petit, 63 ans. Alors. Et nous, monsieur Ferdinand, est-ce que nous ne sommes pas à la rue? Non, mais vous avez d'autres ressources. Vous n'avez qu'à dire à votre neveu qu'il dorme une petite demi-heure, qu'il rêve à un de ses parents. Il pourra jouer une série 2, une série 3 et gagner une petite vingtaine de milliards de lire. Et puis vous avez encore les 4 millions du gros lot, vous n'êtes pas encore allé retirer l'argent? Mais non, pas encore! Mais c'est bien, ça prouve que vous avez les moyens, hein? Bonjour! Oh, mon père! Oh, bonjour! Ah, me voici, monsieur Ferdinand! Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je vois avec joie que vous vous êtes mis sous la protection de Dieu avec votre famille et justement, vos amis. Je m'occupe de vous. Et cela me fait grand plaisir. Une petite anisette, mon père? Ah oui, très volontiers, oui. Elle sait que j'aime ça. Je vous en prie, mon père, asseyez-vous. Oui, l'humeur est meilleure. Ne m'en parlez pas, il est en train de nous démolir tous. Oh mon Dieu. J'ai entendu, j'entends très bien. Il a la tête plus dure que la pierre. Moi, je suis fou de l'anisette à l'eau. Bonjour à tous. Oh, maître, sauve-nous. Tiens, mon père, vous êtes ici. Ah, vous aussi, maître, vous êtes ici? Oui, je suis venu parce que j'ai à vous parler. Madame Herminia, votre neveu a été arrêté. Arrêté! Et quand ça? Il y a un quart d'heure dans l'autobus. Non, c'est pas possible. Dites-moi, vous prendrez bien un petit verre d'anisette, non? Non, merci. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Demandez-le à votre mari. Est-ce que chez moi? Votre père vous l'expliquera. Il doit être bien renseigné, lui. Il y a une heure, je suis allé voir votre neveu pour le persuader que dans le fond, ses ennuis n'avaient pas d'importance, qu'il avait besoin d'argent, que je dois me faire payer. Je sais. Mais oui, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Et qu'enfin, il était nécessaire de retirer les 4 millions. Bref, je l'ai convaincu. Il a mis son satané billet dans la poche et nous sommes partis ensemble. Dans l'autobus, au moment de descendre, quelqu'un s'est mis à hurler « Mon portefeuille, que personne ne bouge, on m'a volé mon portefeuille. » On n'a pas ouvert les portes, nous sommes tous restés enfermés. Au bout d'un moment, les agents sont arrivés, on nous a fait descendre. Un à un, on nous a fouillés. Et c'est dans la poche de votre neveu qu'on a trouvé le portefeuille de ce monsieur. Oh, non, c'est le voleur qui s'était arrangé pour le glisser là, bien entendu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas pour votre neveu. J'ai téléphoné à un ami qui connaît le commissaire, il va tout arranger. Pour le moment, l'important est de convaincre monsieur Ferdinand. Me convaincre de quoi? Les histoires de Bertolini ne me regardent pas. Elles vous regardent, je vais vous prouver qu'elles vous regardent. Si vous vouliez me laisser 10 minutes seule avec monsieur Ferdinand. Venez, madame Miller, viens seule. Ah, non, mon père, restez. J'aimerais que vous soyez présent. Oh, si vous voulez. Pouvons-nous parler 10 minutes sérieusement et calmement? Moi, je suis prêt, parlez. Eh bien, ce qui arrive est tout simplement honteux. Vous d'un côté, Bertolini de l'autre. J'ai l'impression d'avoir affaire à deux enfants, mon père. Je ne sais pas si vous savez comment s'est terminée cette affaire des 4 millions. Ah, la fameuse série de 4. Non, franchement, je ne sais pas. Eh bien, monsieur Ferdinand ici présent, dans un moment de colère, colère en partie justifiée, je le veux bien, a lancé à l'adresse de Bertolini une malédiction. Non. Ouh ! Un moment ! Non. Un moment, laissez-moi parler. Sinon, je vais perdre le fil et le père Raphaël ne comprendra pas. Nous parlerons chacun à notre tour. Eh bien, depuis ce moment, mon client Mario Bertolini n'a que des malheurs. Surtout quand il décide d'aller retirer le gros lot. Écoutez, nous sommes ici en train d'un certain âge. entre gens sérieux. Nous n'allons tout de même pas croire en la malédiction. Ah non, non, non, non, non, comment, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, s'il vous plaît, un moment. La malédiction est une chose sérieuse. Mais justement... L'anathème. Ah, vous en parlez à votre aide. Mais je n'en parle... Ah, pardon, vous voulez détruire le principe mais de non, la je rien... de la condamnation, la réprobation des erreurs commises par celui contre lequel on jetait l'anathème et qui, par conséquent, était exposé à la malédiction publique pour s'être consacré au dieu de l'enfer et vous voudriez détruire tout cela. Mais je... C'est du joli, c'est du joli. Ah, il est beau l'avocat, il je est vous beau en l'avocat. Supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je ne veux rien détruire du tout. Tout au plus, je ne crois pas en cette malédiction. C'est mon droit. Je suis tout à fait persuadé que dans les histoires de mon client, le facteur suggestion joue un grand rôle. C'est à force de les redouter que tous ces malheurs lui arrivent. Car enfin, excusez-moi, mais ce serait beaucoup trop simple. Alors je pourrais me réveiller demain matin en décidant « Le père Raphaël m'est antipathique, je vais lui lancer une malédiction. » Vous seriez dans de beaux draps. Bon, alors, si vous n'attribuez pas les catastrophes que subit votre client Mario Bertolini à la malédiction de Monsieur Ferdinand, qu'est-ce que vous êtes venu lui demander au juste? Alors, selon vous, non seulement il a bien fait de maudire, mais encore il en avait le pouvoir. De toute façon, il a maudit. Et il a bien fait. Je ne sais pas s'il a bien mal fait, mais de toute façon, il a maudit. Vous ne savez pas s'il a bien mal fait. Et la malédiction est une chose sérieuse. Je ne m'obligez pas à vous répéter que la Là, je suis d'avocat. Je peux parler. Je n'ai jamais maudit personne. Tout le monde le dit, les amis, les voisins, les connaissances, mais ils se trompent. Est-ce que vous pouvez affirmer, vous, que j'ai maudit votre client? Mais vous vous êtes adressé à votre père. Vous étiez tout congestionné. Vous avez dit, je lui donne le billet, mais fait lui subir 40 000 calamités. Chaque soir, malheur, qui subissent les maladies bénignes, les maladies les plus graves, les foulures et les fractures des membres supérieurs et inférieurs. Ce n'est pas exactement ce que vous avez dit à l'âme de votre père? J'ai ajouté un si. Si quoi? Si quoi? Si le rêve m'est bien destiné, si l'argent m'appartient bien effectivement, alors fais-lui subir 40 000 calamités. Donc, vous reconnaissez que le billet est à moi, donc vous reconnaissez que j'ai raison. D'ailleurs, j'ai dit l'âme de mon père parce que la plupart des gens croient ce que vous avez cru, mais en réalité, vous savez toujours que c'est l'imagination qui travaille. Non, il n'est pas question d'imagination. Tout cela relève de l'impondérable. Ah oui, c'est une séance d'exorcisme qu'il faudrait. Ah, de là-haut, il s'en donne à cœur joie à votre père. Eh bien, vous savez quoi? Prenez-vous-en à l'âme de mon père et... Traînez-la devant les tribunaux. Monsieur, vous ne vous rendez pas compte que vous blasphémez et en rappelant en tant que... Assez, je perds mon compte. Il blasphème. Assez. Moi aussi, je dis assez. Bonjour, mon père. Bonjour, messieurs. On vous a relâché? Vous êtes sorti de prison. Oh, je sais bien, ça vous ennuie. Très gentil, votre ami, il s'est mis en quatre pour vous. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Monsieur Ferdinand, je viens vous demander d'oublier tout ce qui est arrivé. Vous avez bien réfléchi, j'avais tort. Les millions vous appartiennent, voici le billet. Servez-vous-en, déchirez-le, faites en cadeau. Il est à vous. Non, pas du tout. C'est vous qui avez trouvé les numéros, là. Le gros lot vous appartient. Non, il est à vous. C'est vous que votre père a cru trouver dans la chambre. La preuve, c'est qu'il a dit petit. Petit, c'est vous. Les millions, je n'en veux pas. Non, non, il faut croire ce que dit le père Raphaël. Les quatre numéros sont le fruit de votre imagination. Monsieur Ferdinand, parlons sérieusement. Je suis homme, moi. Je ne veux pas mourir. Les millions, je n'en veux pas. Je ne garderai pas ce billet. Moi non plus. Alors qui va le prendre? Personne. Personne ne le prendra. Nous n'en voulons pas. Garde-le. Mets-le en bonne place avec les fleurs de mon grand-père. Nous n'avons pas besoin d'argent car nous sommes jeunes. Et toi, tu n'as pas de cœur. Un père qui voit pleurer sa fille comme j'ai pleuré ces jours derniers, ça l'attendrit. Ça lui fait de la peine. Oh, ne puis-je te plus. Mais elle a raison. Tu es méchant, tu es pervers, tu es cruel. Tu n'es content que lorsque tu peux torturer les gens. Ah, si tu pouvais les piquer, mais les piquer réellement avec une aiguille ou des épingles, là tu serais vraiment heureux. Mais dis-moi, tu n'as jamais de douleur dans la tête? Tu es toujours en bonne santé? Que tu sois cloué au lit avec une bonne fièvre pendant une vingtaine de jours pour nous laisser tous tranquilles un moment? Oh, quel homme, Seigneur Dieu, quel homme! Il voit deux enfants qui s'aiment, qui ont la chance de pouvoir s'installer sans avoir de soucis d'argent. Et non, monsieur, c'est moi qui choisirais son mari. Mais il est étouffant, tuant, mortel. Je n'en peux plus, Ferdinand, je n'en peux plus, c'est compris? Je vais faire une déposition au tribunal. Je veux que tu sois signalé à tous les présidents de tous les tribunaux de toute l'Italie. Non, mais... Quelle nature bestiale! Quel être dépravé! Oh, mais tu es affreux, Ferdinand! Affreux? Quelle horreur! Bois, Le déjeuner est servi. Tu ne peux pas le dire plus gaiement, non? Le déjeuner est servi comme si tu disais le corbillard est en bas. Plus gai, digne, sérieux si tu veux, mais pas lugubre, recommence. Le déjeuner est servi. Le déjeuner est servi. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, prenons place. Mon père, asseyez-vous. Oui. Et excusez-moi si en votre présence... Non, ce n'est rien, je vous en prie. Maître, puisque vous êtes ici, vous subirez bien le repas avec moi. Je ne voudrais pas vous déranger. Et toi, tu ne t'assieds pas? Oh, mais si, bien sûr. Pour faire honneur aux saletés qu'il a préparées, t'as bien de la chance que le père Raphaël soit là. Quand un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille et qu'il veut l'épouser, il en parle à la mère, bien sûr. Mais il en parle aussi au père, parce que le père, après tout, ça n'est quand même pas la moitié d'un manche à balai. Des petites promenades, des rendez-vous, parfait, très bien. Vous avez dit à ma femme que vous étiez amoureux de ma fille. Et vous ne le saviez pas? Je ne suis pas censé le savoir, c'est à moi que vous deviez le dire vous-même. Donc, vous êtes amoureux de Stella? Oui, monsieur. Eh bien, moi... Je donne mon consentement à ce mariage. Madame Herminia, Pipo, apportez. Vous êtes tous témoins que M. Mario Bertolini, ici présent, est venu lui-même, spontanément, j'insiste, spontanément, vers moi pour me dire que c'est lui qui avait tort. Oui. Vous êtes tous témoins qu'il a remis le billet à ma disposition. Oui. Vous êtes tous témoins que j'avais raison de m'entêter. Oui. Eh bien, moi, je le prends, ce billet, je retire le gros lot, et je l'empoche. Comme j'ai consenti au mariage, ma fille Stella apporte à M. Mario Bertolini, ici présent, une dot de 4 000. Donne-moi ton assiette. Mon père. Non, je... Pourtant, Mario, écoutez-moi bien. Il faudra la rendre très heureuse, Stella. Il faudra l'aimer beaucoup. Parce que Stella, c'est toute ma vie. Moi, vous savez, monsieur Ferdinand... Bon. Très bien. Car autrement... Je n'ai qu'à dire un petit mot à papa